This is Sparta! Nous sommes des Spartiates! Nous sommes des Spartiates! Maintenant, vous allez m'écouter! Nous sommes en pleine guerre avec les Perses. Ils veulent envahir nos mers et nos terres. Alors pour faire comme nos ancêtres les Spartiates, on va kicker dans le trou cette bande de patates. Donc suivez-moi, on se faufile. Pas un bruit, pas un battement de cils. Mouva ! Il n'est plus à toi désormais. Nous sommes des Spartiates. Nous sommes des Spartiates. Regardez ces flèches qui nous tombent dessus. Quand je dirai go, bouclier aussitôt. Go! Tu l'avais dit. Quoi? Qu'on se battrait à l'ombre. Essayons autre chose. Maintenant tous à genoux, j'ai un plan. Je vais lui lancer ce javelot dans les dents. Oh merde, je l'ai raté. Nous sommes des Spartiates. Nous sommes des Spartiates. Sparta!